sens toutes mes capacités. Rempli de frissons, je me sens comme un lion, prêt à te dévorer, à te lécher, à te serrer contre mes griffes lacérées. Yeah.